Dame Grenouille, avez-vous pris votre bain? Dites-moi, Dame Grenouille, dans l'étang ce matin. Non, je n'aime pas l'eau, c'est très mauvais pour ma peau. Aussitôt qu'elle coule, j'ai la chair de poule. Ne m'en veuillez pas, mais quand j'ai froid, je perds la boule. Moi, si je mastique au savon qui pique, alors là, je crie, j'ai peur, j'attrape. Dame Grenouille, avez-vous pris votre bain? Dites-moi, Dame Grenouille, dans l'étang ce matin. Non, je reste chez moi, allongé sur mon sofa. Quand je me réveille, je baille aux corneilles. Tout ce qu'il me faut, c'est un petit bain de soleil. Parfois, je me saoule dans un bain de foule. Mais ne me parlez pas d'eau, pas d'eau, ça me chante. Quand même, Pamela. Avec sa magnifique robe à paillettes qui lui va comme un gant. Pas comme un gant de toilette, en tout cas. Burk. Dis-moi, sa perlipopette, tu l'as invitée au moins? Oh non, elles sont trop mauvaises. Tu divagues? C'était notre dernière chance. Oh, je la gomme. Par contre, les frères Pivert seront de la partie, n'est-ce pas, messieurs? Ah ça oui. Et comment? Ah non, pas eux. Je les gomme et je les dégomme. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que la fête est fichue et que vous ne savez rien faire d'autre que du bruit. Ah, ça c'est bien vrai. Allez, Pivert, au boulot!